Je suis différent, tant mieux. Je suis différente, tant mieux. Dididou la la la la la, en harmonie c'est joyeux. Quand un ami me dit des mots pas gentils, moi je trouve une solution. Et le lendemain on se tient la main, tous différents, nous les enfants petits et grands. Je suis différent, tant mieux. Je suis différente, tant mieux. Dididou la la la la la, en harmonie c'est joyeux. Que tu sois très grand, gros, maigre ou petit, toi et moi ensemble, on sourit. Jaune, noir, rouge ou blanc, on est différents, tous différents, main dans la main, on est vivants. Je suis différent, tant mieux. Je suis différente, tant mieux. Dididou la la la la la, en harmonie c'est joyeux. Tout le monde ensemble. Je suis différent, tant mieux. Je suis différente, tant mieux. Dididou la la la la la, en harmonie c'est joyeux.